chez toi à ton rêve. Accrochez-toi à ton rêve. Quand tu vois ton bateau partir, quand tu sens ton cœur se briser, accrochez-toi. Dream.